Micro ouvert. Dans le micro ouvert, dans le dernier micro ouvert, il y avait la rencontre des 5 réalisateurs, même s'ils n'étaient pas tous complètement là, du film En Marche, histoire de l'homme-machine. Et là, maintenant, on va écouter la suite. C'est la suite du film, en fait, mais en radio. Voilà, c'est une création radio du collectif Un chat, un chat. Les amis, excusez-moi de vous déranger. Je cherche un mot qui puisse correspondre à la définition que je vous donne. Fait souffrir, que l'on en ait ou pas, en 7 lettres. Vous n'avez pas trouvé, vous ne trouverez pas. Certains m'ont dit « courage ». Ça fait 7 lettres « courage », mais non, ce n'est pas ça. D'autres m'ont dit « argent », mais il manque une lettre. Je vais vous la donner parce que je l'ai trouvée. C'est un vieux mot qui vient du bas latin et des culs de basse fosse. C'est un mot pour punir les esclaves et pour les entraver. Il fait 7 lettres, pas une de plus, et seulement une dizaine de siècles, pas plus, dans notre langue. En 7 lettres et 10 siècles, pas plus, dans notre langue, T-R-A-V-A-I-L, travail. 10 siècles, il a fallu du bas latin des esclaves pour trouver un mot qui donne une explication à la sueur qui coule de notre front. Comment a-t-on bien pu appeler le travail quand il n'avait pas de nom ? Et nous venons de l'apprendre, un homme s'est immolé par le feu tôt ce matin. L'incident s'est produit juste devant l'entrée du SEC, le service emploi chômage, en plein centre-ville. Plus d'informations dans notre prochain flash. Requiem pour un bon élève. Journal posthume de Martin Grenier, facilitateur du service emploi chômage. Appartement, grêle, 14h48. Je ne sais jamais quoi foutre de ma personne à 14h48. J'attends que la minute passe en allumant le plus de clopes possible. Consommation chronomètre. Taxi driver, je ne t'oublierai jamais. Jodie Foster. Réchauffé 19h28. Apéro dînatoire entre salariés du service emploi chômage sec. Au menu, vin blanc sec de France, feta de chez Farid, fil rouge de la discussion quelque part entre l'affirmation de l'utilité de notre fonction et l'espoir latent qu'elle ne serve à rien. Parce que sinon, on est sacrément mal barré. Derrière mon PC, 10h03. Le temps. Le temps qui ne passe pas. Cette phrase qui me galope le brain, salvi, salvi, mélangée à la mort. Sarah, un poète, un nom de poète. Facebook, publié, partagé. Une pensée émue pour tous les disparus qui ont laissé leurs amants dans le vent. Incapable de saisir le moteur, le départ, le motif de cette tristesse infinie. Ma tristesse, tristesse, ressac, tristesse, qui laisserai-je derrière moi ? Ressac. Heureusement, j'aurai jamais les couilles de disparaître. Le monde dans sa chute, bonsoir à tous et à toutes. Martin Grenier est mort. Son geste spectaculaire n'est pas passé inaperçu. C'est l'onde de choc que nous tenterons ici de saisir. Comment ? Pourquoi ? Au terme de quelle souffrance a-t-il commis l'irréparable ? Que voulait-il nous dire par son geste ? En définitive, qui accuser ? Mais la véritable question est bien sûr celle de l'automatisation, du contrôle des chômeurs et les bouleversements qu'elle suscite. Sera-t-elle plus juste, plus efficace ? D'aucuns vont jusqu'à rêver d'allocations sans contrôle et d'autres de contrôle sans allocation. Il faut accompagner le monde dans sa chute, c'est le titre et le programme de cette émission. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés un témoin particulièrement privilégié. Je vous la présente dans quelques instants. Est-ce que vous rencontrez des obstacles dans votre recherche d'emploi ? Ben mon âge. Je ne vous demande pas si vous rencontrez des obstacles dans le fait de trouver un emploi, mais plutôt dans le fait d'en rechercher. Certaines démotivations, voire une démotivation certaine. Ah bah, il ne faut pas. Je voudrais vous y voir, ça fait 15 ans quand même. Ouais, je sais, mais il faut rester motivé, d'accord, hein ? C'est le seul moyen de s'en sortir, d'accord ? De rester sur les rails, en tout cas de rester dans le système. Ouais, mais ça ne sert à rien, motivation. Bon, vous avez le droit de considérer que ce qu'on vous demande est absurde, ok, d'accord. Je peux même, dans une certaine mesure, vous comprendre. Mais c'est ça ou l'exclusion. D'accord ? Oui. Hein, c'est comme ça, c'est une sélection naturelle. Ceux qui lâchent, ils sont exclus. Vous êtes trop nombreux, hein ? Ok ? Bon. Voilà, la voix que nous venons d'entendre est celle de Martin Grenier. Mais qui était-il ? Alors, pour nous accompagner pendant toute l'émission, Sybille Parmentier, bonsoir. Sans doute, l'une Bonsoir. Des dernières à avoir côtoyé Martin. Vous êtes réalisatrice. Je rappelle votre dernier film, À quoi rêvent les boulangères quand les petits pains dorment. Donc, vous l'avez connu de très près. Ah oui, ces dernières semaines, je l'ai vu très régulièrement, oui, quasiment tous les jours. Et vous êtes sous le choc. Ah ben oui, c'est même beaucoup plus que ça, hein. C'est vraiment, c'est complètement bouleversant. Ouais, ouais. Ouais. L'extrait que nous venons d'entendre, Sybille, est tiré du journal du facilitateur. Expliquez-nous, de quoi s'agit-il ? Mais donc, on réalisait un documentaire sur le métier de facilitateur, donc vous voyez. Hein. Mmh, dont le rôle est de contrôler les chômeurs, c'est ça ? Oui, enfin, était, hein. Ou à les remettre à l'emploi, hein. Tout dépend de quel point de vue on se place. Oui, un métier qui a complètement a disparu, on y reviendra. Alors pourquoi Martin ? Qu'est-ce qu'il avait de plus ou de moins que ses collègues ? C'est la hiérarchie qu'il a choisie, et puis je dois dire que finalement, on était assez contents d'être tombés sur lui. C'est un drôle de bonhomme, Martin Grenier. C'est quelqu'un de finalement assez attachant, et je crois qu'il était très fier en fait de ce qu'il faisait. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ouais. Son métier, il l'incarnait... Sans doute trop, finalement. Il aimait son travail, contrôler les gens, les sanctionner. Ah, mais lui ne voyait pas du tout les choses comme ça, vous savez. C'était, je pense, un des seuls, ou peut-être en tout cas, un des derniers qui revendiquait le terme même de facilitateur plutôt que contrôleur. Et je vous le dis, il était persuadé d'aider les gens. En même temps, il ne dérogeait quasi jamais à la procédure. Ah, il disait, si j'en avantage un, j'en désavantage un autre. Donc... Je reste dans la règle. Oui, mais c'est ce qu'on reprochait à ses collègues, non ? D'ailleurs, c'est un bon argument pour automatiser le contrôle. En fait, il adorait expliquer la règle. Un petit côté prof, non ? Oui, peut-être, mais chaleureux. Il refaisait les scènes pour nous, enfin pour l'équipe, pour moi. Parce que vous savez, David, on n'est jamais vraiment loin du chômage. Hein, quand on est artiste, vous savez ce que c'est, hein, on est toujours tous un peu intermittents. Oui, souvent au chômage et donc souvent contrôlé. Ouais, et certains plus que d'autres. Ça aussi, hein, Sybille, c'est un argument pour l'automatisation, traiter tout le monde pareil. Peut-être. Ouais, bon, peut-être, allez, on écoute un autre extrait. Allez-y, sanctionnez-moi tout de suite, de toute façon, vous attendez que ça. Vous croyez ça ? Bah ouais, vous êtes contrôleur. Non, facilitateur, j'y tiens. Trouvez-moi un emploi, ça serait ça me faciliter. Je suis pas là pour vous donner la béquille. Je suis là pour vous mettre sur les rails. Et dites-vous bien une chose. Le jour où il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'allocation. Et puis, voilà, moi, je crois en vous. Alors, je suis là pour vous aider dans vos démarches. Je sais que vous êtes un petit peu déboussolé et démotivé, je le sais. Et c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez vous aider, et si vous voulez que je vous aide, signez ce contrat. Non, mais je ne vais pas y arriver. Je suis pas bien, en fait. Ouais, si vous êtes malade, il faut aller sur la mutuelle. Je suis pas malade. Je suis juste pas bien. Signé. C'était donc un extrait du journal du facilitateur, le film de notre invité Sybille Parmentier. Étonnant, hein, d'ailleurs, déjà que le service emploi chômage ouvre ainsi ses portes à une journaliste. Alors, comment vous avez eu l'autorisation de filmer ? À vrai dire, au départ, c'était une initiative de l'administration. Mais j'ai exigé d'avoir tout le contrôle du montage final. Ça, c'est une question d'éthique. Oui, mais pourquoi vous demandez ça ? C'est le genre de choses qu'on préfère, en général, ne pas montrer ? Une volonté de transparence ? J'ai moi-même pas complètement la réponse à cette question. À quoi sert le système de chômage tel qu'il fonctionne aujourd'hui, sinon à donner envie de travailler à tout prix, à n'importe quel prix, et donc à moindre prix ? Je me suis demandé si finalement je ne participais pas, malgré moi, à un dispositif qui avait pour but de terroriser les travailleurs, au sens littéral du terme, hein, David. Parce que quand vous avez vu ça... Mais je pense que c'est plus compliqué que ça, finalement. Et puis, l'humain a pris le dessus. Alors, mais comment vous avez travaillé les chômeurs, quoi ? Ils étaient contents d'être filmés ? Bah, ils avaient le droit de s'y opposer, en tout cas. Je crois qu'ils pensaient que ça pouvait leur servir. D'une manière ou d'une autre. Mais la présence de la caméra n'influençait pas leur manière de se comporter ? Sans doute. Mais je crois qu'on parvenait à se faire oublier. Mmh. Et puis surtout pour Martin, c'était un faire-valoir, probablement. Oui. Ça, oui, je m'en suis aperçue. Ah oui, on sent d'ailleurs qu'il prend son rôle très à cœur. On rappelle qu'avant qu'il se donne la mort, sa fonction était supprimée. Est-ce que d'ailleurs vous sentiez la crainte de Martin ? Est-ce qu'il vous en parlait ? Il était conscient de la menace, oui. Mais je pense qu'il n'y croyait pas. Mmh. Peut-être une forme de déni. Il avait vraiment intégré la rareté de l'emploi au point de considérer des démarches comme une fin en soi. D'ailleurs, il répétait souvent « Chacun son travail et le vôtre, c'est de chercher de l'emploi. Ah bah oui, hein, Sibylle, pour trouver, il faut commencer par chercher, ça c'est pas idiot. Paf. Ok. Et alors, côté vie privée? Bah, je me suis pas aventurée sur ce terrain, David. Oui, mais il vous semblait comment? Plutôt épanoui, je sais pas, plutôt frustré? Je dirais assez solitaire, mais sans pour autant en souffrir. Il lui arrivait même de chanter, parfois. Ah bon? Un drôle d'oiseau, en tout cas. Hein, avec, rappelons-le, une fin absolument tragique. D'ailleurs, elle raconte quoi, cette mort? Bah, quand vous avez tellement cru à quelque chose et puis qu'on vous la retire, cette chose... Qu'est-ce qui vous reste, David? On vous sent ému, là, non? Mais bien sûr. Journal posthume de Martin Grenier, facilitateur du service emploi chômage. Comme d'habitude, Louise Emo distillera ses interventions tout au long de l'émission, on a déjà entendu sa voix. Louise qui a décidé de s'immerger dans la tête de Martin Grenier. Terrasse chauffée en panne, comme d'hab, 7h50. Le café noir avec la première cigarette. En face de ma tour grise, 42 ans aujourd'hui. C'est bien, c'est un bon âge, un âge honnête. J'ai une notion claire de qui je suis, des notions confuses de celui que je ne serai pas. Je n'ai pas le regret d'avoir raté celui que j'ai rêvé. Encore jeune, mais moins con. Moins précoce, mais plus expérimenté. 1 an et demi que Nadège m'a quittée. Ça tombait bien, je comptais le faire, tôt ou tard. Ça tombait tellement bien, car justement, j'allais la quitter, cette salope de traîtrise. J'allais la larguer direct dans 10 ans, cet enfant pourri gâté, cette sale pute de meuf trop bien. La serveuse a l'air d'entendre mon monologue intérieur qui viole le talent à Virginia Woolf, encore une putain de féministe timbrée. Je suis Virginie, que la rivière n'a pas gardée. Putain, Martin, je te jure, qu'est-ce que t'es con avec tes putains de citations? Et puis réponds à la dame, la serveuse, la fille, la femme, mignonne, qui plus est, mignonne, oui, oui. Bonjour, oui, d'accord, merci, c'est gentil. Elle t'offre un café pour tes 42 ans, souris un peu. Il y en a qui se font offrir un yacht, toi tu te fais offrir un café et tu souris, mon frère. Crois-moi, tu souris. Matelas d'Alix, 2h du mat. Je m'applique, je baise Alix. La réciproque n'est pas toujours vraie. Alix me reçoit, elle me reçoit bien, Alix est bien élevée. Mais Alix n'est pas du genre à danser sur la table, elle est plutôt du genre à rester près des poteaux en sirotant son verre d'eau et en tendant aux autres son plateau. D'ailleurs, je suis bien servie. Je n'ai jamais soif chez elle, pourtant, elle mouille le minimum syndical. Je ne sais pas qui je suis pour Alix. Elle trouve ça cool que je serve le sec. Cette fille est folle. Elle m'attendrit. Vous allez me retirer mes allocations de chômage? Ça, c'est pas moi qui décide. C'est vous qui faites le rapport, quand même. Moi, je fais le rapport avec ce que vous me donnez. Et j'aimerais vous avouer que si vous refusez de postuler dans le seul secteur où vous avez de l'expérience, c'est mal barré. Hein. Je dois vraiment retourner au call center? Au moins, essayez. Non, mais c'est pas possible, je vous dis. Je n'arrive pas. Ça me rend malade. J'en peux plus quand je suis là. Il y a du bruit toute la journée. Il y a les gens qui vous considèrent comme rien. À chaque fois, on leur dit des conneries. On sait très bien que c'est un attrape-nigo. C'est un truc... Je peux pas retourner là, quoi. Juste essayer. Moi, ce que je vous demande, c'est juste d'essayer. Essayer. Je vais faire un truc qui me rend malade. Je vais essayer de faire un truc qui me rend malade. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ce genre de boulot, il y a un tas de candidats. C'est entre nous. Je vous dis ça, c'est vraiment juste entre nous. Mais avec les trous qu'il y a dans votre CV, à mon avis, vous n'avez aucune chance d'être engagé. Aucune. Alors là, il dérape complètement, votre Martin Grenier. Vous êtes sûr que l'administration l'a réellement choisi pour son caractère exemplaire? Oui, je vous l'ai dit, par moments, il oubliait qu'on était là, oui. Vous perdez pas de temps, vous faites... Je fais un truc inutile, en espérant pas perdre mes allocations de chômage. Donc en fait, c'est ça. Oubliez l'équipe qui le filmait. Juste écrire. Vous faites votre travail. Votre travail, c'est de chercher du travail. Mon travail, c'est de chercher du travail. Mm-hmm. Moi, mon travail, c'est de donner du sens à ma vie, vous voyez? J'ai envie de ça, moi. Vous avez pas envie de ça, vous? Sibylle est toujours avec nous, Sibylle Parmentier, réalisatrice d'un film en quelque sorte avorté. Je rappelle que vous avez dû interrompre le tournage. Bah, y a eu la suppression des facilitateurs, oui, et puis après, Martin... Précisément, pour comprendre le fonctionnement de ce nouveau système de contrôle automatisé, une de nos équipes a accompagné la jeune Sophie dans un terminal de contrôle. Ok, enter, et puis mon code PIN, le voilà... Ok, c'est bon, c'est parti. Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe encore? C'est quoi ce truc? Calcul en cours. Ah voilà. Votre CV contient 7 fautes d'orthographe et 4 acronymes non répertoriés. Acronyme. Évaluation orthographique, valable. Je t'en foutrais moi des acronymes, c'est quoi ce bazar? Mise en page, peu original. Le document contient 12 expressions imprécises ou désuètes. Il comporte 2 mots-clés valorisants, insuffisants. Veuillez vous reporter à la liste des expressions positives actualisées. Évaluation du vocabulaire, faible. Putain, mais c'est désagréable comme il parle. Nous allons procéder à l'examen de vos candidatures pour le mois de juillet. Et en juillet, mais... Vous avez consulté 7 annonces sur le site du SEC et 12 sur les sites répertoriés. Putain, mais ils savent tout ça, eux. 4 offres correspondaient à votre profil. Vous avez répondu à 2 offres insuffisantes. Bah, juillet, c'est les vacances, imbécile. Pour consulter vos jours de vacances, appuyez simultanément sur les touches Alt, Ctrl, majuscule et la touche V. Pour accéder à la page sanctions, tapez Entrée. J'ai pas le droit des sanctions, c'est quoi ce truc? Pour consulter vos jours de vacances, appuyez simultanément sur les touches Alt, Ctrl, majuscule et la Putain, touche mais moi je vais pas prendre de vacances là. Calcul en cours. Pourquoi ils veulent me mettre en vacances? Le solde de vos jours de vacances est de 11 jours. Pour valider vos vacances, tapez espace. Pour revenir au menu sanctions, tapez Entrée. Quoi, je suis obligé de prendre des vacances? Putain. Attends, je comprends pas, j'ai pas pris mes vacances. Putain, je comprends rien. Donc j'appuie sur espace pour mes congés, c'est bon? Veuillez cocher la case, je ne suis pas un robot. Je sens que ça m'énerve. Les chômeurs, ils étaient ses clients en quelque sorte. En quelque sorte. Donc, il avait intérêt à ne pas aider les chômeurs dans leur remise à l'emploi. Ah non, j'irai pas jusque-là. Il était vraiment sincère dans sa volonté de les aider. Mais les aider à ne pas se faire exclure du système, en tout cas. Plus qu'à trouver un boulot inexistant. Disons qu'il défendait le système. Il considérait que ce système permettait de faire vivre un maximum de monde. Dont lui, ouais. D'ailleurs. Est-ce que c'est pas un petit peu absurde, tout ça? Vous savez, David, s'il fallait supprimer tous les métiers inutiles... En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. 5h40, table de la cuisine, encore levée trop tôt. Je m'admire, j'admire mon zèle. J'admire le fait que je me lève pour un projet de société. Je me lève tôt pour qu'on le sache. Le GSM sonne, je l'attrape, j'éteins le réveil, je le garde en main pour mon selfie directement Facebook publi posté avec citation littéraire en légende. Tout le personnel du SEC, service emploi chômage, a rendez-vous avec mon actu mat. Ça les motive à s'extraire des draps pour aller se vautrer dans la mélasse. Ce matin, je poste en légende de mon bronche capillaire ce vers prosaïque qui me retourne le cœur d'implacable ironie. Ce n'est pas la fonction qui honore l'homme, mais la manière dont il la remplit. C'est sûr, ça va liker. Place à présent à notre historien du futur, Paul Hermand. Paul, c'est à vous. Eh oui, vous comprendrez bien, David, que dans ces circonstances, je ne pouvais pas faire autre chose que dédier cette chronique à Martin Grenier, facilitateur immolé. Cela fait quelques années maintenant que nous sommes passés, remarquez bien, des immolations politiques aux immolations sociales. Souvenez-vous, les dissidents des pays de l'Est s'immolaient, les moines tibétains s'immolaient. Maintenant, ce sont des travailleurs qui craquent l'allumette. Enfin, plus exactement, des non-travailleurs, des anciens travailleurs, des plus travailleurs et plus exactement encore, des travailleurs sans emploi, des plus employés, chômeurs quand ça va bien, exclus quand ça va plus. Et là, pourquoi, outre son aspect spectaculaire et traumatisant, pourquoi cet événement nous prend-il au dépourvu? Pourquoi vient-il nous chercher au plus profond de nos interrogations sur la société dans laquelle nous tentons de vivre? Eh bien parce que cet homme qui s'est bouté le feu était un de ces travailleurs qui contrôlait d'autres travailleurs, qui les sanctionnait, qui les excluait même. Et ce paradoxe, David, est un paradigme. C'est ainsi, désormais, que notre monde va. Ce drame, bien entendu, vient s'inscrire dans la déconstruction générale du travail, dans ce qu'il en reste, a-t-on envie de dire. Est-ce que nous vivons la fin du travail, comme certains le prétendent? D'un côté, l'emploi hyper qualifié nécessitant des gens toujours plus diplômés, et puis de l'autre, la masse des gens sans reconnaissance, parfois sans connaissance, mais en tout cas jamais reconnus, comptant pour rien et même pas pour du beurre, car le beurre, ça vaut encore quelque chose. De moins en moins de travail pour de moins en moins de gens. Et pourtant, partout, tout le temps, nous vivons une pression sociale intense, priant chacune et chacun de se mettre aux normes pour trouver un emploi, Ah ça, il sait y faire l'État social actif pour culpabiliser ses victimes. À tel point que dans les années 2000, la gestion des demandeurs d'emploi est devenue un métier, un gisement d'emploi en soi, avec son jargon professionnel, sa novlangue, tout en euphémisme et locution performative. Les conseillers du service emploi chômage ont été nommés fournisseurs de solutions. Le contrôleur de l'office a été rebaptisé facilitateur. Et pourtant, on pourrait aussi se dire que finalement, c'est une bonne nouvelle, cette raréfaction de l'emploi. Ah, comme ça invite à penser, n'est-ce pas, David, qu'il y a moyen de chercher quelque chose dans cet entre-deux du travail et de l'emploi, dans ce temps récupéré, dans ce temps qui peut être partagé, diminué, échangé, dans un temps qui ne devrait même pas être économiquement productif. Mais la triste vérité, voyez-vous, c'est que nous avons du travail une définition qui date du 19e siècle. Et hier, Martin Grenier l'a rejoint avec une allumette. Allez, belle nuit. Et puis surtout, bonne chance. Place à présent à notre séquence Snipers, qui sera aujourd'hui une séquence snipeuse, puisque nous accueillons deux débatteuses affleurées, pas forcément mouchetées. Une seule d'entre elles reviendra la semaine prochaine, et ce sera vous, auditeur, qui la choisirez. Le sort a désigné Myriam, qu'on ne présente plus, pour dégainer la première. Myriam, vous avez 2 minutes, à vous de jouer. Alors je vais vous décevoir, David. Non, David, inutile de me lancer vos œillades enjôleuses. Cette fois, je n'endosserai pas le rôle de la bisounours de service. Et quand je dis bisounours, je n'évoque évidemment pas la petite chose qui, en échange d'une présence en 14e semaine, se lovera plus ou moins de bonne grâce dans vos bras poilus d'enfant mal grandi, David Courrier. Oui, Florence, David est un homme de pouvoir, comme les autres, et il sait ce qu'il donne et se sert en retour. Allez, ne diminuez pas comme ça vos mérites, chère Myriam. Ce sont les auditeurs et les auditeurs seuls qui décident. Mais bref, je ne serai pas la bisounours de service, disais-je, l'intello bobo gaucho qui prétend tout comprendre, tout expliquer, tout pardonner. Non, Martin, vous n'aviez pas à vous donner en spectacle de la sorte. Non, Martin, rien ne justifiait cette prise en otage des usagers du service public pour l'exercice duquel vous aviez la chance d'être payé chaque mois. Ce monde est rude, Martin, vous étiez bien placé pour le savoir puisque... vous en étiez un agent. Et des plus efficaces, m'a-t-on rapporté. Vous étiez une machine à exclure, Martin. Une machine à exclure. Je laisse le registre compassionnel à notre amie Florence. Elle saura s'y vautrer sans doute très bien. C'est dans l'air du temps. Je note juste qu'il en va des machines comme du reste. Vous n'avez pas supporté d'être supplanté par une machine plus performante que vous. Une machine non métaphorique, celle-là. Vous vous êtes payé de grands mots. Humanité, bienveillance, suivi personnalisé... Je doute pourtant que le petit garçon qui accompagnait sa maman au bureau de chômage ce matin-là vous remercie du spectacle terrifiant que vous lui avez offert. Donc j'ai envie de le plaindre, ce garçonnet, je n'ai plus d'espace pour ce genre de sentiments. Et avec sa mère célibataire et chômeuse en fin de droit depuis hier, je ne donne pas cher de son avenir, alors à quoi bon ? Je voulais juste souligner votre tartufferie, Martin. Pour survivre dans ce monde brutal auquel vous avez apporté 20 ans durant votre froide contribution, il faut s'asseoir sur ses états d'âme et payer de sa personne tant qu'elle vaut encore quelque chose. Et ça, croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je peux rester, David ? Ah ça, les auditeurs en décideront, ma chère Myriam. Place à présent à votre challengeuse que nous accueillons première semaine. Florence, nous vous écoutons. Perdre son boulot peut tuer un homme. Moi-même, ça m'est arrivé 472 fois. De perdre mon boulot, pas de tuer un homme, et je ne m'y fais pas. Ce qui ne m'a pas tuée ne m'a jamais rendue plus forte. À chaque fois, c'est l'humiliation, le château de cartes qui s'effondre, les projets avortés. Avortés, David. J'avais cru être enceinte d'un emploi et passer ma vie à l'élever, fière et attentionnée. Sombre idiote. Alors on ravale ses espérances, on rafistole son CV tout mité, on colle des rustines rutilantes sur ses fuites pathétiques, on relit ses vieilles candidatures, on racle les sites d'annonces. On se dit que si on trouve un job, on rêvera après les heures du bureau. C'est déjà ça. On se surprend à rejouer au loto, faut bien une part de rêve, du vrai, même si on sait pertinemment que c'est jamais qu'un impôt sur la misère. Le jour de l'entretien de contrôle, on n'a pas bien dormi, alors on se maquille trop, on se déguise en travailleur, on a le ventre tout noué, la voix mal assurée, on se sent vaguement coupable, même si en fait on devrait pas. L'attente achève de nous décomposer, on signerait n'importe quoi pour un tout petit répit ou juste un regard gentil en fait. Le type en face, on essaye de pas y penser, mais on n'arrête pas. On ne l'envisage pas vraiment en tant qu'être humain. Il ne peut pas être comme nous, il fait trop peur. Notre sort en dépend, il peut être gentil ou méchant. Il a peut-être mal aux dents ou mal à l'âme. Mais il représente l'institution. Il a la froideur d'une machine, une machine à exclure systématiquement. Et tout à coup, il prend feu et en brûlant, il devient humain. Il révèle sa fragilité et avec lui, tout part en cendres. Il était confortable de le détester. On découvre en fait qu'il y a toujours pire et que celui qu'on considérait comme une machine a un cœur et des organes capables de souffrir, de désirer peut-être. Ne m'étais-je pas maquillée, apprêtée ? Pas pour lui en tant que personne, mais quand même pour donner le change à un semblable, pour faire partie du même genre humain, pour faire semblant. À sa place, demain, il y aura une machine, une vraie, toute froide. Et là, au moins, ça sera clair. Martin, permets-moi de t'appeler Martin, je m'en veux de t'avoir détesté, de t'avoir traité de collabo, d'avoir souhaité que tu ressentes ce que tu infligeais à autrui. On t'a viré comme un malpropre, comme des millions de personnes avant toi, sans égard pour tes états de service, de petits collabos du système. Je devrais en rire, mais j'y arrive pas, David. Trop sensible, c'est peut-être pour ça que je me suis fait virer 472 fois. Alors, s'il vous plaît, pas aujourd'hui, au nom de Martin, pas 473. Ah, la sensiblerie compassionnelle autocentrée. Mais vous avez commencé très très fort, ma chère. Non, on appelle ça une mise en perspective. Et je pense que les auditeurs jugeront. Alors moi, j'ai essayé de voir l'humain derrière la fonction. Il me semble que dans ce cas, Martin est une victime. Oh, mais vous aussi, apparemment. Mais qui n'est pas une victime de nos jours ? À part ça, vous vous êtes demandé combien de chômeurs ce type avait fait virer avant de comprendre enfin dans quelle pièce il jouait et d'en tirer les conséquences ? À choisir, évidemment, que moi j'abolirais le contrôle. Mais tant qu'à faire, si vraiment il en faut, alors je préfère avoir affaire à un humain. Ah oui, l'humain. Oui, oui, la subjectivité de l'évaluateur. Je comprends votre point de vue. Ben tiens. Hein, quand vous irez rendre compte de vos recherches d'emploi, puisque vous êtes dans le cas, hein, si je vous ai bien suivi, qu'est-ce qui sera plus facile à convaincre ? J'allais dire à séduire. Un terminal informatique ou l'employé à demi-dépressif devant qui vous agiterez vos charmantes petites bouclettes blondes ? Convenez que vous avez quand même plus de chances de rester dans le système que mon voisin arabe qui sort de prison. Je précise pour nos auditeurs que Florence est aussi blonde que Myriam est brune. Le contraste n'est pas qu'argumentatif, en somme. Bah, David, c'est quoi ? C'est un débat ou la page coiffure du Biba, ici ? Bon, Myriam, au sujet du charme, à votre place, je ferai profil bas. Hein, la technique qui consiste, comme vous le faites depuis le début de l'émission, d'ailleurs, à agiter vos longs cils bruns en minaudant. Foutez-la pas à mes boucles, d'accord ? Dites, vous êtes drôle. Bon, on a compris qu'on ne parviendra pas à vous mettre d'accord. On se retrouve après la pub pour savoir qui de Florence ou de Myriam reviendra chroniquer l'actualité la semaine prochaine. Mon amour, tu m'emmènes en vacances au Club Zéphyr. Tu sais bien qu'on n'a pas d'argent, mon poussin. Patrick, lui, il part au Club Zéphyr. Parce qu'il a du travail, donc il peut se payer des vacances. Tu crois que Patrick m'inviterait ? Club Zéphyr, les vacances pour ceux qui en ont. Houya ! Alors, qui aura le privilège de venir chroniquer l'actualité la semaine prochaine ? Florence ou Myriam, la blonde ou la brune, envie de changement ? Le retour de Myriam en 14e semaine, que demande le public ? Eh bien, ce sera Florence. Merci. Bravo Florence. Pourquoi je ne suis pas étonnée ? Oh, la sensible compassionnelle autocentrée vous salue bien bas, hein ? Et la sortie est par là ? Florence, vous restez avec nous. Merci pour tout, hein, Myriam ? Pauvre type. Enfin. Bon, cela dit, je dois filer aussi. À la semaine prochaine, David, et surtout, merci aux auditrices et aux auditeurs. 5, 6, 7. Voilà, c'est bien, oui. Vous pouvez. J'en ai une en plus. Bravo. Des réponses ? Bah, non, si on cherche du travail, on va voir les gens, on leur écrit pas une lettre. Non, ça dépend. Par contre, vous devriez un petit peu varier les formules, pas toujours écrire la même chose. Vous voulez que je la fasse en verlan ? Vous êtes toujours dans le sarcasme ou c'est seulement avec moi ? Ça vous va bien de sourire. Je suis pas une machine, vous savez. Moi non plus. Mais toutes ces démarches, ça abrutit. Mais non, on est là pour vous offrir un cadre. Une cadence. Mais c'est à vous de faire entendre votre voix. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas répéter tout le temps les mêmes formules, histoire que votre voix émerge, et je suis sûr qu'elle est très jolie. Je chante comme une casserole. Bon, montrez-moi vos réponses aux annonces. J'en ai que deux. On avait dit quatre. Vous avez dit quatre. Et moi, j'en ai que deux. Ben, voilà. Une, deux. J'ai une spontanée en plus. Ouais, ça fait quand même toujours pas le compte. Putain, mais vous dites que vous êtes pas une machine, mais vous la jouez sympa, là, comme ça, avec moi, juste comme ça. Parce que vous vous emmerdez, vous avez une caméra. La machine, mademoiselle, elle vous aurait déjà sanctionné. Si tu veux bien, tu vas arrêter de filmer, là. La machine, elle aurait pas votre air de petit prof. Ça suffit ! Devant mon bureau, 8h50. Je ne comprends pas. Mon camarade cactus est renversé. Mon porte-encens du Kerala entassé avec mon dictionnaire des synonymes. Comme si quelqu'un avait voulu ranger, je ne comprends pas. Une enveloppe en craft, limite une lettre recommandée sans timbre, trône sur mon bureau déserté. Je suis convoquée à la DRH. Dans le bureau de la DRH, 8h56. Ah bon, c'est-à-dire que... Bon, ok, bon, je vois. Pas que... Quoi ? Oui, un café, pardon. Oui, ça se refuse pas, c'est le matin et c'est gratuit, pardon. Non, je ne m'y attendais pas, non. Vous comprenez, Martin ? Non, Martin ne comprend pas. Martin, vos loyaux services, ma loyauté, je te l'éclate au pubis. Et si tu dis encore mon prénom, je te jure que je défonce ton imitation Magritte. Cela n'a rien à voir avec vous. Bien sûr que non, cela n'a rien à voir avec moi. Cette institution n'a rien à voir avec l'humain. Et moi, Madame Lezon Van Descartes, j'ai la mauvaise nouvelle de t'apprendre que j'en fais partie et pleinement. Genre, les pieds dans le plat, la tête dans le guidon, le réveil dans l'entonnoir, à l'espèce humaine. Nous allons procéder à une automatisation du processus de contrôle d'allocation et de suivi de dossiers pour veiller à l'harmonisation des flux de demandeurs d'emploi. Chercheurs d'emploi. Et ainsi favoriser le traitement rapide et efficace de leurs demandes. Recherche. Personnalisée selon un profil disponible sur notre plateforme en ligne dont la charte graphique printanière est assurée par un prestataire plutôt sympa et surtout très très cher car l'identité visuelle de nos jours, vous savez, monsieur Grenier, vous avez dû souffrir avec un nom comme ça dans le secondaire, monsieur Grenier, pas plus qu'au sexe, salope. Donc voilà, cette décision, évidemment, fait l'objet d'une longue discussion, parfois houleuse, toujours consciencieuse, parmi les décisionnaires légitimes dont j'assure la diligente présidence. Cependant, voilà, à un moment donné, deux secondes, monsieur Grenier, il faut trancher, voyez-vous, monsieur Grenier. Alors voyez-vous, on a tranché, monsieur Grenier, alors manque de bol, c'est à toi qu'on a tranché, cher Martin Grenier, vous avez le privilège aboli de figurer parmi nos valeureux guillotinés. Martin, bravo et merci, nous vous félicitons, vous êtes un battant, Martin, vous avez la niaque, la compétence, mais voyez-vous, dans la jungle de l'administration, la compétence ne suffit pas, il faut aussi de la chance, monsieur Grenier, de la luck. You see what I say? Do understand you what I to you signify. Et ça, la chance, Martin, la chance, ça se mérite, monsieur Grenier, ça se mérite tout bonnement à la sueur de sa crasse, monsieur. Car le SEC, service, emploi, chômage, c'est une oligarchie sectaire sédimentée sur la méritocratie et ceci pour le bien démocratique de tous et surtout de chacun. Nous avons donc décidé, aussi SEC, c'était la seule solution, de supprimer votre poste. Nous n'avons plus besoin de facilitateurs, voyez-vous ? C'est aussi bête que ça, bête comme bonsoir. Bonjour, bonsoir, au revoir, en l'occurrence. Eh bien, bonne continuation, comme on dit, et surtout, reste toi-même. Même jour, 18h20. Je ne le dis pas à Alix. Être fonctionnaire et viré, juste la honte. Non, arrête, Martin, je te jure. Arrête de dévaler la pente de ton autodérision, ta haine systématique et spirituelle de toi. Stop, ça te tuera, Martin, ça te tuera. Et tu l'aimais, ton taf. Arrête de posturer. Tu l'aimais, ton taf. Arrête de faire genre. Tu chéris ce terme. Facilitateur. Tu t'es battu pour que ce terme soit reconnu. Facilitateur, oui, ça vaut mieux que difficultateur, empêcheur, ratiboiseur de rêves, castreur de couilles, non. Ton pire cauchemar fait administration, bienvenue au SEC, système exclusion cordiale, bienvenue au SEC, la maison du non, N-O-N, la jungle rigoureuse de l'empêchement. Confiez-nous votre estime de vous, on en fait un numéro, 2 heures de fil, une vie de sacrifice. Confiez-nous votre projet professionnel, on en fera de la fricadelle. Martin, on va pas en faire tout un plat, votre poste a sauté, va falloir sauter un repas pour digérer, c'est tout, tu vas pas non plus me faire chialer. Allez, salut Martin, tu gagnes à être inconnu comme on dit et surtout, reste toi-même. Grenier Martin, à votre bureau, souffriez-vous comme vos collègues de travail, comme vos collègues du travail? Souffriez-vous burn-outé ou malade de longue durée? Souffriez-vous de la pénibilité? Souffriez-vous de la dureté? Souffriez-vous de votre utilité? Souffriez-vous de ce qu'on vous faisait faire pour mériter votre salaire, le prix de ce sel mêlé à la sueur de votre front, votre salaire? Ou bien était-ce autre chose? Souffriez-vous de faire souffrir les autres avec votre travail? La chance que vous aviez d'en avoir un, vous a vengé de n'en avoir pas. Martin Grenier, travailleur licencié immolé, vous aviez un travail qui faisait souffrir et ne plus l'avoir vous a tué. Est-ce que votre mort me fait souffrir ou pas? Je me le demande. Je vous le demande. Martin Grenier, travailleur licencié et chômeur immolé, souffrez que je vous laisse là, devant l'Office de l'Emploi, où pour la dernière fois, quelqu'un qui vous aura vu aura souffert de vous avoir vu. Le système est en train de calculer votre sanction. Pour valider votre sanction de 120 jours ouvrables sans allocation, tapez entrée. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit 120 jours ouvrables? Pour toute autre option, appuyez simultanément sur les touches Alt, Contrôle, majuscule et la 120 jours ouvrables? Mais c'est dégueulasse, putain, mais merde, fais chier, c'est quoi ce bordel? Pour suspendre l'exécution de votre sanction, inscrivez-vous à une des formations suivantes. Les formations correspondantes à votre niveau sont A. Boucher-charcutier. Boucher-charcutier, mais je suis végétarienne, je vais pas faire boucher-charcutier. B. Manutentionnaire-clarkiste. C. Assistant administratif. Pour retourner au menu sanction, appuyez sur Entrée. C'est n'importe quoi, attendez, là je demande... Bravo. Vous avez postulé pour une formation d'assistant administratif. Mais j'ai rien demandé du tout, c'est... Nous allons procéder à une évaluation de vos connaissances linguistiques. Mince, ils vont parler en anglais maintenant. Jan draagt een bril en een mooie jas. Het heeft een gereserveerde parkeerplaats. Je sais pas ce qu'il dit. Wat is Jans beroep? Parle trop vite, là. A. Ambtenaar. B. Bouwvakker. C. Senior executive. Qu'est-ce qu'il a dit? Putain. C'est une merde, ce truc, c'est pas possible. Putain, fais chier. Mais je parle pas anglais, moi, attention, hein. U heeft B geselecteerd. Verkeerd antwoord. C'est pas de l'anglais, ça, hein? Parle en quoi, là? Elke heeft een mooie papegaai. Haar papegaai is A, groen en blauw. B, wit en zwart. C, cette courte chose, elle est pour Martin Grenier, travailleur licencié, chômeur immolé, au nom du travail qui a un nom. Et qui fait souffrir quand on vous le retire, ou bien quand on l'a perdu. Et qui fait souffrir aussi quand on en trouve et qu'on en a. Même jour, 21h39. Ma fonction a été supprimée. Je suis fonctionnaire. Je suis supprimée. 22h. J'ai tout donné à ce métier. Traîtrise. J'ai travaillé jusqu'à 20h plusieurs fois par semaine. Traîtrise. Quand tout le monde était parti. Traîtrise. Depuis 3h, je méditais sur les profils paumés de mes interlocuteurs. 22h06. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je te dis non. Non, je te dis. 22h09. Ta gueule, Alix. 22h13, les rues sont froides, déçus qu'il ne pleuve pas. Médiocrité, médiocrité. Notre pire allié. Médiocrité. Dictée. Prenez vos cahiers. Alors, je commence. Martin est assistant social, virgule, psychologue, virgule, éducateur, trois petits points. Il aime beaucoup les chômeurs, point. Surtout, virgule, les chômeurs pauvres, virgule, les chômeurs malades, virgule, les chômeurs défavorisés, virgule, les chômeurs délinquants, point à la ligne. Martin a le cœur sur la main, point. Martin a une âme charitable, point. Martin aurait, futur antérieur, Martin aurait voulu être le Jésus des chrétiens, virgule, la Rosa du Luxembourg, virgule, la Lady de Diana, virgule, le Robin des Bois, virgule, le chien de Pavlov, point. Martin, virgule, veut le bien, point. « 22h31, je vais pas les laisser s'emparer de ma dignité comme ça. Une pression, s'il vous plaît. »« 22h56, deux pressions pour un mec déprimé face aux pressions de l'institution paralysée. C'est marrant, ça, je poste. Non, j'encule le monde. Je te dis non, le monde. Tu m'entends ?»« 23h07, je vais leur montrer. Je vais faire un truc. De quel bois je me chauffe, là, je te jure. Je vais faire un truc de ouf, choquant, spectaculaire. Une pression, s'il vous plaît. » 23h50, vas-y, je fous feu. Je te jure, je fous feu. La même chose, s'il vous plaît. 2h. 6ème demi, ça fait 3 plénitudes. Je compte les bulles, elles filent vite, ces salopes. Alix, ma chouette. De toute façon, je ne t'ai jamais fait jouir. 4h59 du mat. Ma fonction est supprimée. Ma place Mon ancrage, mon moteur supprimé par les décideurs. De gras comités face aux maigres existences. Ma fonction supprimée, mon corps lui emboîte le pas. Je me supprime en toute humilité, société de l'emploi, je me supprime pour toi, tu vois. Un chômeur de moins, un poste libéré, je vous laisse. Avec le complexe du survivant, c'est pas très agréable, mais sûrement moins pénible que les rêves qui partent en fumée et les muscles déchirés par les flammes. Déjà sanctionné. Nous n'avons plus besoin de facilitateurs, voyez-vous ? Si tu veux bien, tu vas arrêter de filmer. Je suis là pour redresser les gens qui tombent, je suis là pour aider les gens qui dépriment, je suis là pour que le monde entier tienne debout. Nous avons donc décidé, aussi sec, c'était la seule solution, de supprimer votre poste. Arrêtez cette caméra, s'il vous plaît. Arrêtez ! Arrêtez cette caméra, merde! Putain, vous êtes pas une machine, vous êtes pire! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ma fille, oh ben qu'elle se débrouille avec son film. Hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? De toute façon, qu'est-ce qu'elle pouvait espérer de faire un film pareil? Rien. Rien. Filmer ce qui n'est pas une réussite, c'est se moquer de ceux qui ont raté et c'est ne rien apporter aux autres. Le pauvre monsieur Grenier, il est mort. Eh bien, personne ne peut parler en son nom. Moi, je suis désolée. C'est indécent. Nous sommes dans une société pleurnicharde, mais indécente. Faut pas oublier ça. Non, ce monsieur est mort, son image est morte avec lui. Et tout ce que j'espère, c'est qu'elle incinérera sa pellicule en même temps que le monsieur. Est-ce que Martin a vu vos images, Sibylle ? Oui, oui, on avait organisé une projection des Roches la veille de son... Enfin, oui, il les a vus. Ah, et il s'est reconnu ? Sans doute. Et il a pas supporté ? Bah... Oui. Est-ce que vous prendrez un jour le projet, ce serait possible ? Ça raconterait tout autre chose. Bah, évidemment, avec le drame, le matériau récolté prend une toute autre dimension. Ce serait vraiment criminel de ma part de ne pas exploiter tout ce matériau humain. Bah oui. Ce sera une fable qui embrassera toute la question du travail. Et pas seulement du travail, mais aussi du non-travail à travers tous ces entretiens. Ouais, vous m'aviez confié hors antenne, hein, vouloir faire en sorte que Martin ne soit pas mort pour rien. Ouais, exactement. D'ailleurs, je profite de l'antenne pour solliciter toute aide possible à la production, parce que vous savez que c'est cher. Mm-hmm. Et signaler qu'on a lancé un crowdfunding sur le site tourneterreves.be. Ok, c'est dit. Merci beaucoup. L'émission touche déjà à sa fin. Merci, votre niveau en néerlandais ne correspond pas à celui mentionné sur votre CV. Il s'agit de votre troisième infraction. Vous n'avez plus de recours possible. C'est pas possible, c'est une blague. Pour valider votre exclusion, appuyez sur Entrée. Pour réentendre ce message, appuyez sur Espace. Je veux parler avec quelqu'un. Votre niveau en néerlandais ne correspond pas à celui mentionné sur votre CV. Je veux parler avec quelqu'un. Vous n'avez plus de recours possible. Pour valider votre exclusion, appuyez sur Entrée. Pour réentendre ce message, appuyez sur Espace. Je veux parler avec un humain. Martin dit, deux points, ouvrez les guillemets, ils ont besoin d'être cadrés. Point, je répète, écrivez, Martin, dit, deux points, ouvrez les guillemets, ils ont besoin d'être cadrés, point, fermez les guillemets, à la ligne. Martin croit au chômeur. Point. Quand Martin est gentil, virgule, les chômeurs sont méchants. Point. Mais quand Martin est méchant, virgule, les chômeurs sont méchants. Point. Martin ne comprend pas, point. Martin veut les comprendre, point. Martin dit, deux points, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont atteints d'une certaine pathologie. Ils ne sont pas comme nous, point, fermez les guillemets, à la ligne. Martin aime les chômeurs atteints d'une certaine pathologie, point. Martin a organisé une grande fête pour les chômeurs atteints d'une certaine pathologie, point. Martin les a fait chanter avec lui devant un public, point. Les chômeurs ont chanté comme Martin voulait qu'ils chantent, point. Martin avait mis des guirlandes et des ballons partout, point. Martin a fait venir le ministre de l'Emploi et du Chômage, point. Martin avait autorisé le baby-foot, point. Des chômeurs ont disparu, point. Des portefeuilles aussi. Point. Une poubelle a cramé. Point. La fête a fini en bagarre générale. Point. Des chômeurs se sont moqués de Martin devant le ministre de l'Emploi et du Chômage. Point. Les chômeurs l'ont traité de sale connard, larbin du capital, enculé de ta race. Point. La fête de Martin s'était si bien passée. Point. Les chômeurs avaient si bien chanté. Point. La fête maintenant est ratée. Point à la ligne. Le ministre de l'Emploi et du Chômage a appelé les services d'ordre. Point presque final. Martin pleure. Point. Martin ne comprend pas. Point. Martin a tout fait pour eux. Point. Martin s'est sacrifié pour eux. Point. Martin voulait leur apprendre à vivre. Mais Martin aime-t-il la vie. Point final. Requiem pour un bon élève, une fiction du collectif Un chat, un chat, écrite et réalisée par Luc Malguem et Pierre Lorquet, avec le concours de Sabine Ringelheim. Avec dans leurs propres textes Maya Chauvier, Louise Emo et Paul Hermand. Avec également Alain Eloi, David Courrier, Sophie Delfos, Livia Dufoy, Florence Hénaud, Françoise Leborne, Myriam Leroy, Sabine Ringelheim, Edgar Soc, Jean-Benoît Hugeux et Martin Collier. La dictée de Maya Chauvier est adaptée de son projet Récital Boxon. Prise de son studio, Pierre Devalet. Collaboration technique, Pierre Schoenbrot. Montage, Luc Malguem. Mixage, Vincent Van Der Venet. Une production du collectif Un chat, un chat, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds Gulliver. Requiem pour un bon élève constitue le volet radiophonique du projet Transmédia, journal du facilitateur.